La radiodiffusion française vous invite à écouter... L'invention de la Belle Époque. Quelle belle et bonne époque! Et la vie était si agréable, si facile. Et quelle douce quiétude on avait! Et cette franche gaieté que rien n'obscurcissait, tout le monde était de bonne humeur. Claude Mérotte, qu'on vient d'entendre avant la Première Guerre, elle avait été une grande professionnelle de la danse. C'est du moins ce qu'il convenait de dire. Elle intentait un procès dès qu'on soutenait qu'elle avait aussi été une cocotte. Après la Seconde Guerre, elle était devenue une professionnelle du témoignage. Dès qu'on voulait parler du début du XXe siècle, on se tournait vers elle et quelques autres survivants du même milieu. On remontait la manivelle du phono et hop, surgissaient les fantômes du Moulin Rouge, de Maxime's, etc. Peut-être les journalistes sont-ils paresseux, ou bien le souvenir des professionnels du loisir est-il nécessaire à la mémoire populaire ? C'est à se demander si les historiens, eux aussi, ne croient pas au mythe. Les nécessités de la demande leur font souvent reprendre l'expression de « belle époque ». Ils s'interrogent, certes, doctement, sur la fixation chronologique de ses débuts. Affaire Dreyfus, 98, l'année antisémite, avec des incidents dirigés contre les Juifs dans tout le pays, c'était déjà la belle époque. Ils font aussi remarquer avec bon sens que l'époque n'était pas belle pour tout le monde. Les contemporains, en tout cas, ne la voyaient pas comme telle et ne prévoyaient pas qu'ils la verraient plus tard comme telle. Le charme du passé, c'est qu'il est une catégorie du présent. Il est vivant, puisqu'il se transforme avec nous. C'est un autre témoin de l'époque, Roland Dorgelès, qui disait cela très bien. La vraie question, c'est de savoir à partir de quand les années 1900 ont paru belles à ceux qui les avaient vécues. Quand les témoins ont commencé à regretter leur jeunesse, quand ils ont vieilli. Oui, mais comment nous l'ont-ils fait regretter leur jeunesse à nous, qui ne l'avons pas connue ? La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Dominique Khalifa, bonjour. Bonjour. La véritable histoire de la Belle Époque, c'est chez Fayard. Alors, on croit qu'on va rigoler, Moulin Rouge, Cléo de Mérode, Valentin le Désossé. Non, non, vous faites de l'histoire culturelle, hein, souvent. Eh ben, j'essaie assez souvent. Oui, ouais. J'essaie de comprendre effectivement. Alors, ce que vous dites. Vous utilisez des mots qu'il faut qu'on apprenne. Chez Mathieu Vidard, on apprend toujours de nouveaux mots. Il faut que ce soit aussi le cas à la marge de l'histoire. C'est un syntagme, la belle époque. Oui. C'est un chrononyme. C'est un chrononyme. Ça, c'est chrononyme. Un mot savant. Un vrai mot savant que les linguistes ont forgé pour expliquer, pour dénommer les noms du temps, les noms propres du temps. Quand vous voulez dénommer particulièrement une période de l'histoire, que ce soit le Moyen-Âge, ou la Renaissance, ou les Trente Glorieuses, vous utilisez des chrononymes, c'est-à-dire des noms propres qui caractérisent une période de temps. Oui, mais alors d'aucuns disent c'est abstrait chez Lebrun. Alors soyons clairs, ça commence quand, la belle époque, pour un historien ? Tout dépend si vous êtes devant un historien positiviste qui s'intéresse à la période, et donc quand cela va vous dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intro, fin 19e, 1900, soit vous êtes avec un culturaliste comme moi qui va vous répondre, mais ça commence quand on va inventer l'expression. Ah, oui, mais il n'y a pas quand même des arguments économiques ou politiques mais qu'on si. Peut mettre en avant. Mais bon, si, la sûr. Fin de l'affaire Dreyfus, le début d'un cycle de croissance économique, la France sûre d'elle-même. Voilà, la fin de l'affaire Dreyfus, au tout début du... Enfin, entre 99, la grâce, et puis 1906, la réhabilitation, le retour à la prospérité. Ce début du XXe siècle est une période, effectivement, où la consommation augmente, où les salaires relativement augmentent, etc. La sécurité intérieure, la paix, quand même, ça c'est fondamental. Hein. Et puis une république plus sûre d'elle-même, plus mieux affirmée, qui va décider que maintenant ça sera une époque laïque, républicaine, radicale. Et puis l'exposition universelle, et puis, peu après l'inauguration du statut de la République, 50 millions de visiteurs. 50 millions, c'est énorme. Hein. C'est la plus grande exposition universelle que le pays ait connue de loin. Mais vous dites c'est une exposition du 19e siècle. C'était son objectif. Hein. Son objectif était d'être récapitulative. Elle ne voulait pas regarder vers l'avant. Elle voulait tirer le bilan du 19e siècle. Mais il y avait quand même de grands travaux qui, à Paris, absorbaient toutes les attentions. 1900, c'est un chiffre rond. Et puis, c'est l'inauguration du métro. Soyez témoin, une émission d'André Gillois et de Oberlé, à laquelle on fait référence souvent, et qui recueille là les souvenirs d'enfants de 1900, devenus un peu plus âgés. Madame Barral, a été de ces curieux ou de ces courageux et qui ont pris le métro le jour même de son inauguration, n'est-ce pas ? Courageux, oui, parce qu'il courait dans Paris des bruits terrifiants, que les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aurait des accidents affreux, et très peu de Parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur. Où avez-vous pris le métro ? À quelle station ? À l'hôtel de ville, monsieur. Nous étions toute une bande de jeunes qui étaient venus déjeuner chez moi et nous avons été jusqu'à l'hôtel de ville. Nos parents nous avaient défendu expressément de le prendre. Il faisait un temps splendide ce jour-là, en descendant dans ces voûtes qui étaient glaciales, toutes sombres. Nous n'étions pas très fiers. Le quai était noir, il y avait fort peu de lumière et le wagon est arrivé, il n'y avait personne. Nous avions pris les premières, naturellement, je crois que ça coûtait 25 centimes et nous étions les seuls. Nous étions à peu près 7 ou 8. De la même famille. Et nous avons été jusqu'à Vincennes. Alors, en voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant, mon Dieu, le soleil est tout de même plus beau que la cave. Parce que c'était une véritable cave. Oui, parce que les contemporains vivent les années 1900 avec des sentiments mêlés. Clair-obscur, chaud-froid. Oui, d'abord, je crois que les gens sont un petit peu... une année de répit hein, après les troubles quand même très très forts. Et puis, l'expo, c'est quand même un moment de fête. Quand on voit ces films, vous savez, de ces Parisiens qui se baladent devant des trottoirs roulants, ça c'est quand même un grand moment de mais enfin, le métro, c'est sale, il y a de mauvaises odeurs, il fait froid... C'est contrasté, comme dirait le journaliste. On est en retard pour le métro, quand même, en 1900. Il y a longtemps que les Londoniens prennent le métro, hein, mais... Alors, dites-moi, soyons objectifs, puisqu'on parle de métro, il y a un terminus à la Belle Époque. C'est quoi, 1912, le Titanic? Symboliquement, on pourrait dire que c'est le Titanic, effectivement, avril 1912, parce que ce bateau, c'est une vraie Belle Époque miniature. Il y a tout ce qu'il faut, hein, les trois classes, la modernité technique, les bals, les loisirs, et puis il va vers l'Amérique. Hein. Mais je ne pense pas que les contemporains aient pensé que, même si c'était effectivement un drame affreux, que les contemporains aient pensé que le monde allait s'arrêter le 12 avril 1912. C'est un signe annonciateur. Non, le terme, c'est évidemment, enfin, pour les Français... C'est 1er août 14. Vous remarquerez que les Italiens qui parlent aussi de Belle Époque, pour eux, c'est 1915. Hein, mais donc, c'est la guerre. L'équateur qui partage le temps, dira André de Fouquier, qu'on retrouvera à la fin de cette émission. Bon, la question qui vous intéresse, Dominique Khalifa, quand apparaît l'expression « Belle Époque » ? Alors, on pense, nous, et beaucoup d'historiens le redisent, par paresse, là encore, peut-être que c'est pendant les années folles, les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Là, vous l'avez écrit vous-même. C'était une erreur parce que j'avais recopié ce qu'on trouve dans tous les livres. Et puis, quand on a commencé effectivement à vouloir trouver ces attestations, ces occurrences de l'expression, on les trouve pas. On les trouve pas dans les années folles. Et finalement, c'est très compréhensible que les années folles n'aient pas eu ce regard nostalgique et rétrospectif sur l'avant-guerre. Parce que en 1920 ou en 22 ou en 23, ce que veulent les gens, c'est aller de l'avant. Hein, c'est panser les plaies, c'est oublier tout ce mouvement qu'a conduit dans les tranchées de la Grande Guerre, c'est danser les nouvelles danses qui nous viennent d'Amérique ou d'Amérique du Sud ou du Nord, ou le tango ou le charleston, c'est s'amuser, c'est construire l'avenir. Donc on n'a pas ce regard rétrospectif et récapitulatif sur l'avant-guerre. Donc on dit l'époque qui a précédé la guerre. Vous avez trouvé chez Léon Daudet, le grand polémiste d'extrême droite, cette expression vers 1925. Les années 1900, c'est l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, ouais, 1870-1914. C'est un chapitre dans ses mémoires, oui, 70-14. Effectivement, pour les contemporains, c'était un entre-deux-guerres. Ce qui nous montre aussi la grande relativité des chrononymes, comme on disait tout à l'heure. Les chrononymes, vous rappelez ce que c'est ? Les noms du temps. 1930-31, voilà un grand écrivain lancé des années 20, un écrivain bolide, Paul Morand, qui publie un livre charge sur 1900. Un pamphlet contre un âge qu'il juge stupide, avec ses chapeaux de forme, ses corsets à baleine. Mais en même temps, c'est une inflexion, ce livre. Ainsi qu'il le laisse entendre à Pierre-André Boutan dans une interview, beaucoup plus tard, à la télévision, dans son jardin de Rambouillet, en 1970. Vous portez dans ce livre qui s'appelle 1900, un jugement assez sévère sur une époque que vous avez beaucoup aimée. Probablement, j'étais assez influencé par le livre de Léon Daudet et sur le stupide 19e siècle. Et alors, je me suis mis à écrire que les gens de 1900 ne se lavaient pas les pieds, etc. Ce qui a chagriné mes parents et mes grands-parents. Mais en réalité, avec la vie, je me suis aperçu que 1900 était une époque grosse, toute l'époque actuelle, et que c'était très bon important. Une époque où il y a Bergson, où il y a Curie, où il y a les rayons X, il y a Rengen, où il y a Heisenberg. Enfin, tout ce quoi où nous vivons part à peu près de cette époque-là, et les premiers. Enfin, c'est l'enfance de l'atome date de 1900. Alors, c'est tout de même assez ridicule d'avoir fait un portrait purement extérieur. Vous savez, un jour, les six musiciens demandaient à Ravel « Que devons-nous penser de vous, maître ?» Et il disait « Non, détestez-moi !» Eh bien, c'était une réponse d'un homme d'esprit. Mais en réalité, je veux dire, c'est la réaction. On déteste toujours les gens qui vous ont précédé de 10 ou de 20 ans. Alors, les effets du livre de Morand, paru en 1931, dites-vous, Dominique Khalifa, sont importants. Oui. C'est pas qu'on s'est beaucoup intéressé au radium et à l'atome, mais on a retrouvé un filon. Et le filon du Moulin Rouge, par exemple, ou de Maxims. Oui, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'il est le premier à identifier vraiment la séquence. Alors, vous évoquez tout à l'heure l'entre-deux-guerres de Daudet, mais il va la nommer, ce nom, l'époque 1900, hein, qu'on va utiliser à partir de son bouquin. Et une périodisation très précise, hein. Pour lui, c'est clairement les années qui vont de l'expo à la guerre. Il va lui donner une identité négative, hein, sans doute à ce moment-là, en disant on écrivait mal, c'était prétentieux, ils étaient ridicules, c'est ses parents, hein, une réaction assez classique contre ses parents. Mais du coup, il lui donne pour la première fois, enfin il découpe de façon assez claire la séquence, donc il lui donne une identité, et surtout, ça a des effets, des conséquences extrêmement fortes, parce que ça va provoquer, comme vous l'imaginez, énormément de réactions et de réactions négatives, de tout un tas de gens qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune imbécile là qui vient nous dire que... Et puis donc, on va voir se multiplier les enquêtes, les bouquins, les monographies, pour prendre le contre-pied de ce que vient de dire Morand, et d'expliquer qu'au contraire, 1900, c'était une grande époque. Donc vous voyez, il y a un vrai moment de naissance. Là, on ne l'appelle pas encore la belle époque, mais autour de cette notion de l'époque 1900, il y a une vraie préhistoire qui se met en place. Et les témoins du monde du spectacle sont au premier rang des protestataires. Il faut qu'on garde notre filon Valentin le Désossé. Oui. C'est à ce moment-là, en 1933, qu'est donnée au théâtre une pièce qui porte le nom de cette vedette du Moulin Rouge. Absolument. En 36, ça y est, le fruit Belle Époque est prêt d'être mûr. Oui. Absolument, on y est presque. Il y a eu de plus en plus de mémoires et de souvenirs de contemporains. Il y a eu des films aussi, Corda qui tourne, un film important d'après Fedot, hein, La Dame de chez Maxims en 31. Il y a eu beaucoup de petits signes qui fait que la nostalgie, et puis les chansons, hein, la nostalgie est en train de se constituer. On dit presque la Belle Époque. Effectivement, l'expression est presque là. Pour caractériser ce moment, on ne sait pas encore exactement comment le dater, mais c'est très clair. Quand l'expression est utilisée dans La Poule de Robert Burnier en janvier 1936, c'est pas au sens exact qui va être donné plus tard à Belle Époque avec des majuscules. Enfin, c'est le moment. C'est presque ça. Hein, c'est presque ça. Il y avait des manières, par exemple là dans cette comédie de Burnier. Des jeunes gens demandent en mariage des jeunes filles et ils le font en gants blancs. Les gants blancs, les tempérins. Ça, ils trouvent. De bonnes mœurs. Voilà. Oh, la belle époque du temps d'autrefois, c'était moins loufoque et beaucoup plus courtois. C'est à la famille et presque en tremblant qu'on demandait la fille en mettant des gants blancs. Maintenant c'est moins élégant, on ne prend plus du tout de gants. On se dit, tu me plais, je te plais, goûtons le bonheur complet. On stocke, on se détoque dès la première fois. À la belle époque, c'était mieux autrefois. La marche de l'histoire, France Inter. Jean Lebrun. La véritable histoire de la Belle Époque, plutôt l'invention de la Belle Époque. Nous recevons aujourd'hui Dominique Khalifa qui publie un livre sous ce titre aux éditions Fayard. C'est au moment 1940 où la France est occupée que l'expression Belle Époque avec des majuscules est utilisée pour désigner le moment où elle était assez riche et assez puissante pour se suffire à elle-même et se passer les Allemands. Ouais, le moment 1900, c'est une émission de radio, Andrea Léo sur Radio Paris. Il récupère l'expression de qu'on vient d'entendre dans La Poule, à la Belle Époque, mais il l'a sortie cette fois-ci d'une datation très très précise. Hein, c'est à la Belle Époque, croquis musical des années 1900. Et donc effectivement, c'est une émission qui paraît sur cette radio allemande hein, quand même à l'époque, et qui va à la fois faire ça dure 45 minutes le soir, en fin de journée. La moitié, c'est des souvenirs, une présentation par Aléo d'un moment, d'une anecdote ou d'un élément pittoresque de l'année 1900. Et puis après, l'orchestre envoie des chansons de l'époque, des scies de l'époque. Alors, il lit, dit-il, pour se documenter, des écrivains alors illustres, Paul Bourget, Marcel Prévost, il va rien trouver chez ces... Les écrivains qui gênent la morale dominante. Et il lit beaucoup de journaux. Apparente pendant l'occupation, il lit les journaux, la presse, les chroniques dramatiques, les critiques mondaines. Ça correspond quand même à ce que les Allemands attendent de Paris aussi. Ah ben c'est exactement d'abord ce que les soldats allemands, on sait que Paris c'est quand même le lieu majeur de la permission des permissionnaires pour ce qu'on attend de Paris, c'est le gay Paris, c'est les petites femmes, c'est les revues, c'est le music hall, et puis plus fondamentalement c'est aussi ce que les idéologues nazis la façon dont les idéologues nazis prévoient la place future de la France dans l'ordre nouveau hitlérien. La France, elle était destinée à avoir de la production agricole et puis à production de luxe, chansons, cinéma, amour, les petites femmes, enfin exactement ce que la Belle Époque propose à ce moment-là au Paris occupé. André Aléo expliquera lui qu'il redonnait le moral aux Parisiens et aux auditeurs de la radio allemande de la capitale. Et puis, c'était plaisant, c'est vrai, quand on prenait un vélo-taxi, de se souvenir qu'autrefois, il y avait des fiacres dans les années 1900, une chanson de l'époque de l'occupation par Jacques Pils, que Martin Penney et Virginie et Valérie Aistaray ont restauré à grands frais pour nous. Et nous roulerions gentiment, sans nous presser tranquillement. Ce serait très impressionnant, nous croirions nos grands-parents. Prenons un vieux fiacre, yop là, et partons tout doucement. Prenons un vieux fiacre, puisque nous avons le temps. Nous ferons sourire, je le sais bien des badauds. Mais que peut-on dire, puisque l'on n'a plus d'auto. Partons cocher, nous allons vers le bois, où Blanche-Neige est sur la mousse, et nous serons tous les deux, vous et moi, bercés par les secousses. Yop là, yop là, yop là, là, là, là, là, yop. À la Belle Époque, le titre d'une émission d'André Aléo pendant l'occupation, l'invention du mot, du chrononyme, elle est vraiment là. Il y a des revues aussi qui démultiplient les thèmes. Toutes ces émissions vont sur les plans, dans les music halls. Ouais. Alors on pourrait penser que avec la libération, on congédierait la Belle Époque. Ça aurait été naturel, hein, puisqu'effectivement cette complaisance qu'avait eu un certain gay Paris, un Paris frénétique, un Paris du spectacle avec l'occupant, on aurait pu effectivement estimer qu'il allait. Mais non, effectivement, là, peut-être que la France de 1944, de 1945 a encore besoin de se souvenir du temps où elle était puissante, où elle était rayonnante, où elle dominait à la fois la vie diplomatique, la vie culturelle, etc. Donc on va conserver la Belle Époque, on va sur la même, dans la foulée, effectivement, on va même accentuer cette charge nostalgique, cet investissement nostalgique de 1900. Jamais on n'aura tant été Belle Époque qu'au moment de la libération et au début des années 50. Il y a beaucoup de films jusqu'à Hollywood. On a reproché à French Cancan de Renoir d'être naïf. On disait que le film n'était pas assez politique, qui ne retrouvait pas la veine du Renoir, du Front Populaire. Bon, alors, s'il y a un film politique, c'est Paris 1900, 1947, c'est la date de sortie. Ouais. Il est signé de Nicole Védresse. L'assistant, c'est Alain Resnais. La monteuse, c'est Yannick Bellon. Rien que des grands noms. C'est un modèle pour le film d'archives. Oui, c'est la première. Enfin, je pense que c'est vraiment la première fois où on construit un documentaire au sens moderne du terme. C'est-à-dire que Nicole Védresse et Resnais ont assemblé plus de 700 morceaux de films, de la fiction comme des actualités, en partant du principe qu'ils se valaient dans la mesure où ils rendaient compte qu'ils témoignaient d'une époque, et ils en font effectivement un récit que le commentaire accompagne, mais c'est vraiment le montage d'archives documentaires qui est au cœur du récit cinématographique. Nicole Védresse, très entourée, est à côté de nous, toute rose de son succès. Dites-moi un peu, Nicole Védresse, ce qui vous a donné l'idée de tourner Paris 1900. Ça c'est bien difficile, ça s'est trouvé un peu par hasard. J'ai commencé par chercher des films comiques de cette époque-là pour faire un petit montage de films comiques. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu une espèce de fresque historique sur 1900. Assistant à l'un des premiers meetings d'aviation, le président Falière salue ce miracle du siècle et fait au ciel des gestes lyriques. La conférence de la paix qui s'est tenue en Hollande a donné le signal d'un mouvement officiel de bonne volonté. Aux quatre coins du monde, empereurs, ducs, archiducs et présidents se mettent en route. Au bras de M. Falière, la reine la plus pacifique du monde, Wilhelmine de Hollande. Les diplomates réunis à Paris saluent la République. De la tribune, Monsieur Falière salue la paix. Le président français est bien content. C'est juste un petit peu avant 1900. Falière, c'est le président d'avant 1900. Loubet, le président de 1900. Il y a quand même, quand on entend le ton ironique du commentaire, un souci de complexifier la Belle Époque à ce moment-là. Oui, les choses vont commencer à arriver petit à petit. Dans le film de Nicole Védresse, c'est extrêmement intéressant parce que la première partie est quand même assez classique, et elle manie un peu tous les stéréotypes. Et puis la fin du film marque une accélération qui est extrêmement étonnante et qui effectivement est très moderne et qui va nous emmener effectivement vers d'autres cieux. Dans les années 50, on reste encore très, c'est le grand moment des souvenirs, des témoignages. On reste encore très très largement sur une Belle Époque glorieuse. Vous diriez que l'histoire des privilégiés est nécessaire à la mémoire populaire? J'interroge le culturaliste. Je pense. Je le dis pas de gaieté de cœur. Mais effectivement, quand on s'aperçoit effectivement ce que les heurts et les malheurs des grands jouent dans la culture populaire, on est bien obligé de vous donner raison. On n'est pas dans Point de vue Image du Monde là, mais on est à la Tribune de Paris en 49, un petit moment de gaieté quand même. Donc sont réunis André de Fouquière, c'est un ancien dîneur professionnel, et Cléo de Mérode, grande professionnelle, elle aussi, on va dire de la danse, parce qu'autrement elle nous intenterait, comme elle l'a fait à Simone de Beauvoir, un procès quand elle a été traitée par Simone de Beauvoir de grande horizontale. Courtisane. Je considère que cette époque de Maxime vers 1900, était une des époques les plus heureuses qu'on ait pu connaître. Et certainement les années que nous y avons connues peuvent être comparées incontestablement avec les quelques années du règne de Louis XV et même quelques années du Second Empire. C'est incontestable, nous avons assisté et nous assistons maintenant à une brisure colossale et j'estime que la brisure de 1939 et 1945 est pire à certains points de vue que la révolution de 1789 et jusqu'à 1794. Cléo de Mérode. 1900 ? Quelle belle et bonne époque ! Mais vous vous souvenez de la facilité dont on avait les choses et les meilleures. Vous vous rappelez? Moi, je me souviens de quelques prix. 13 oranges pour 2 sous et des belles. Parfaitement. On avait aussi du sucre, et bien ça coûtait 13 sous le kilo. Du pain. Mais du pain, c'était 4 sous la lire. Et bien les omnibus, vous vous rappelez pas? Et les tramways? Eh bien, je me rappelle très bien, moi, c'était 3 sous à l'impérial. 6 sous à l'intérieur et encore avec une correspondance. Maxime, c'est une évocation qu'il est plaisant de donner encore et qu'aujourd'hui on rappelle sans cesse à la radio et au théâtre. Cela prouve que cette époque avait tout de même son charme et son éclat. On ne demandera pas à quel prix s'estimait Cléo de Mérode. Ça peut provoquer le champagne quand il est trop abondant et qu'il est servi à répétition comme ça. Un sentiment un peu trop, quoi. Ouais. Bah, ce qui est quand même très clair dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que pour beaucoup, et pendant très longtemps, et même, ça demeure encore d'une certaine manière, cette belle époque, elle est liée à la vie mondaine. C'est le monde du high life, des hippodromes, des grands salons. Fouquier, c'est quand même un grand mondain, un aristocrate qui a joué toute sa vie la carte de l'élégance masculine, la grande mondanité. Cléo de Mérode aussi. Enfin, c'est quand même ce monde social que l'expression belle époque a souvent mobilisé. Mais ce monde social, il n'est pas grand-chose. Hein, mais pourquoi vous avez décidé de faire ce livre? Parce qu'on vous connaît comme un spécialiste de l'apachisme. L'apachisme, oui, ça veut dire en l'histoire culturelle, les apaches, ouais, les mauvais garçons, les bas-fonds. C'était déjà à la belle époque. Hein. Ce début du siècle m'intéresse. Et puis je me suis rendu compte, effectivement, que contrairement aux historiens des autres périodes, qui réfléchissent quand même sur les termes qu'ils utilisent, on parlait tout à l'heure de chrononyme, enfin par exemple, Marc Bloch a au milieu de avant la Seconde Guerre mondiale, des pages lumineuses pour expliquer ce qu'est le Moyen-Âge. Jacques Le Goff a des pages lumineuses pour expliquer ce qu'est le Moyen-Âge ou la Renaissance. Mais nous, en contemporaine, on ne s'était pas posé ces questions-là. On s'est très peu posé ces questions-là. Et je crois que c'est intéressant de se les poser, de voir à partir de quand les expressions émergent. Parce qu'une expression, ce n'est pas seulement un mot, c'est tout un imaginaire qui est charrié avec, c'est toute une dramaturgie qui parfois colle. Mais parfois, colle pas. Quand on entend Fouquier et Claude Mérode, on se rend bien compte que c'est pas la vie ordinaire et la vie quotidienne de tous les jours. Il parle du prix des légumes. Oui, enfin, je me demande bien quand même quand Claude Mérode allait acheter ses légumes elle-même. Il y a quelque chose dans André de Fouquier, je suis désolé de vous y faire revenir, qui est intéressant. Il parle du Second Empire. Ouais. Mais alors, dans les années 1900, on parlait pas de belle époque pour désigner le temps qu'on vivait, mais la belle époque, c'était le Second Empire. Oui, c'est ce que j'ai découvert progressivement. Vous avez sans doute vu, comme tout le monde, le film de Woody Allen, Midnight in Paris. Ils arrivent dans les années 20, ensuite, dans les années 20, on les emmène à la belle époque, et puis ça s'arrête là. Mais si on avait dit l'amant, 1890, allait-il amener Marion Cotillard, s'il devait l'amener dans son temps, ça aurait été le Second Empire. Toute cette idée du Paris moderne, du beau Paris, de la sécurité intérieure, des spectacles, des loisirs, de la mondanité, c'est le Second Empire qu'il met en place. Vous direz que maintenant, on a toute une campagne de promotion du regret du Second Empire qui s'est mise en place. Bon, ce qui est quand même fascinant quand on fait de l'histoire comme vous, Dominique Khalifa, c'est qu'on s'aperçoit que le présent réaménage, recompose sans cesse l'absence et la présence du passé. Que passé, c'est une catégorie du présent vivant. Ah oui, on l'a bien vu, la belle époque, l'époque 1900 dont on a besoin en 1930 ou 35, c'est pas exactement pareil que la belle époque dont on a besoin en 1950. Et puis on n'a pas continué, mais on pourrait dire que la belle époque des années 1980, c'est pas la même. Dans les années 80, quand on redécouvre toutes ces cartes postales qu'on avait oubliées, on découvre qu'en fait la belle époque, c'est aussi les artisans, les sabotiers, les paysans, et on découvre une belle époque d'artisans, de ruraux, de pays, alors que dans les années 50, on ne parle que de Paris. Vous voyez ? Donc on continue sans doute, et chaque période, chaque époque a besoin de renégocier sa relation au passé. Oui. Il y a même une internationalisation, vous étudiez ça à la fin de ce livre, La véritable histoire de la belle époque chez Fayard, du, comment vous dites, chrononyme. Merci Dominique Khalifa. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Martin Penet, Valérie Aestaraï à la réalisation, Patrick Henry à la technique.